Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui consacrée au thème de la souffrance, en compagnie de Bertrand Vergely, professeur de philosophie à Orléans, à l'Institut d'études politiques, c'est-à-dire à Sciences Po de Paris, et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Bertrand Vergely, lors de la première émission, vous aviez abordé le problème du sens de la souffrance que vous liez à celui du terme « supporter ». Et puis en parlant de ça, vous nous avez expliqué, présenté le sens positif et le sens négatif de ce terme, pour finir avec quelque chose qui peut paraître paradoxe et qui ne l'est pas si on comprend le terme de souffrance comme vous le définissez, c'est que la souffrance commence dans la Trinité divine, parce que vous dites « souffrir égale supporter ». Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, nous continuons et nous allons passer peut-être ce qu'on appelle l'économie divine, c'est-à-dire la création, c'est-à-dire l'incarnation surtout, et puis évidemment cette perspective de rédemption qui est offerte à l'homme et qui est d'ailleurs proposée avec par l'Église maintenant, avec justement le Grand Carême, puis la fête de Pâques. C'est exactement cela. Alors, si vous voulez bien, on va prendre ça de manière un peu systématique, pour commencer peut-être par la création. Alors, je disais la dernière fois que, au fond, Dieu ne cesse pas de se supporter lui-même et de supporter Dieu, et c'est ce qui fait qu'il est théophore, christophore, pneumatophore. Voilà, le mystère de la souffrance se trouve là, mais nous allons voir que Dieu diffuse son être, et il ne la diffuse pas simplement au Fils, mais il la diffuse dans la création, à travers la création du monde et de l'homme, et à travers l'incarnation, qui est l'entrée de Dieu dans l'histoire, et dans son union avec l'homme. Alors, la création du monde et de l'homme est un mystère inouï. En Inde, l'idée que Dieu puisse tolérer quelque chose d'autre en face de lui est impensable, parce que cela veut dire que Dieu est limité. Et si Dieu est limité, il ne peut pas être Dieu. Et s'il y a autre chose en face de lui, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Donc, l'Inde pense qu'il y a le soi. Les individus sortent du soi et y retournent. C'est-à-dire que la seule réalité, c'est le soi, et à part la réalité du soi, rien n'a de réalité, et en particulier, l'homme n'a aucune espèce de réalité, ainsi que le monde. Tout ça, c'est une illusion, c'est le rêve du soi. Dans le christianisme, c'est exactement l'inverse. Pourquoi ? Parce que on pense que ne pas se limiter pour Dieu est une faiblesse. Et se limiter est au contraire une forme de liberté totale. Parce qu'il s'agit d'un Dieu pensé en termes d'amour comme une personne et non pas d'une réalité logique. Si nous sommes logiques, l'Inde a raison. Si nous voyons les choses sous l'angle de la personne, à ce moment-là, c'est le christianisme qui apporte quelque chose de nouveau et qui nous montre quoi ? Quand on est fort, parce qu'on est fort, on n'a pas besoin d'être seul. On peut tout être et on peut passer partout. Et dans cette logique de la personne, nous voyons donc que Dieu, en permettant le monde et l'homme, ne se limite pas, il est dans quelque chose d'ouvert et d'infini. Ce qui crée tout le problème de la condition humaine, tout en même temps son génie. Il est très difficile de comprendre que la limite est en fait le véritable visage de l'infini. Il est très difficile de comprendre que le monde et l'homme sont, comme le dit saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu. Et pourtant, c'est la réalité. Donc, je crois que ça explique ici la souffrance de l'homme et en même temps sa libération. La souffrance de l'homme, c'est quoi? C'est d'être dans un monde limité et de se penser comme abandonné. Du fait de cette limite, l'homme cherche à s'en évader. Il la considère comme une prison. Il le cherche d'autant plus qu'il est porteur de la même soif que Dieu pour Dieu. Il est porteur d'un infini divin. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il cherche à devenir un roi, un être infini, un être tout-puissant. Il est dans l'impatience. Et étant dans l'impatience, il devient un tyran. Et il tyrannise le monde autour de lui. D'où la souffrance de ce monde, qui montre quoi? Qui montre la quête erronée, mais la quête déviée de Dieu à l'intérieur du monde, la quête à l'envers. Qu'est-ce qui va libérer l'homme? Renoncer à aller au-delà de la limite, rentrer dans la patience, ne plus être un tyran, accepter avec humilité, patience et amour le monde tel qu'il est. Et petit à petit, du fait de cette acceptation humble et patiente, connaître la merveille d'une transformation de soi et la rencontre avec Dieu. Donc, nous avons dans la création un risque énorme qui a été pris par Dieu, mais en même temps, un mystère d'une incroyable beauté. Ce qui fait le côté tragique du monde et le côté merveilleux. Le côté tragique du monde vient de l'homme plein d'orgueil, et le côté merveilleux du monde vient de l'homme plein d'humilité. Donc là, nous avons l'histoire de la création, et c'est vrai que l'histoire de la création et de l'homme, c'est la continuation de l'histoire de Dieu sous une autre forme et de la vie dans la divine Trinité. Et alors, avec cela, ce qui est important aussi, c'est avec la création de l'homme, tout le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que la création du monde et de l'homme n'est pas la fin de l'attitude de Dieu. C'est le début d'une nouvelle histoire. C'est-à-dire, le Dieu des savants que stigmatise Pascal, c'est un Dieu qui crée le monde et l'homme, et puis plus rien ne se passe. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Dieu qui crée le monde et l'homme pour s'unir avec l'homme. C'est-à-dire que la création et l'homme sont appelés à aller au-delà de la création de l'homme et du monde, comme Dieu est allé au-delà de lui-même. Je crois qu'on va toujours au-delà. On se dépasse en se dépouillant. Et je crois que c'est le sens très profond de l'incarnation, qui est au départ l'accomplissement de Dieu. Je ne crois pas que Dieu s'est incarné simplement pour sauver l'homme. Dieu a accepté la croix pour sauver l'homme. Ne confondons pas le mystère de la crucifixion avec le mystère de l'incarnation. Le but de l'incarnation n'est pas simplement de sauver l'homme. Il est au contraire d'accomplir le grand projet divin en Dieu lui-même et au-delà de Dieu. D'où, à un moment, cette unité de Dieu avec l'homme qui manifeste l'intimité des personnes de la divine Trinité, mais qui manifeste également l'intimité de Dieu lui-même. Ce qui fait que Dieu, par l'incarnation, devient un Dieu intime, un Dieu qui s'intériorise, un Dieu extraordinairement proche de l'homme, et un Dieu de plus en plus vivant, de plus en plus sensible, de plus en plus temporel, de plus en plus incarné à l'intérieur du monde pour supporter le monde et l'homme, et faire que le monde et l'homme vivent. Donc là, on est dans cet extraordinaire déploiement de vie, de présence dans lequel nous sommes. Et là, bien évidemment, se pose à ce moment-là le problème de la rédemption. C'est-à-dire que Dieu va venir vivre avec l'homme, de l'intérieur de l'homme, le drame que vit l'homme. Qui est quoi ? Qui est le drame de la limite, le drame du monde, le drame de l'humanité elle-même, le drame d'une humanité qui se sent prisonnière de l'humanité et se sent prisonnière du monde et tourne son visage vers le prince de ce monde. Alors, je crois qu'il y a ici quelque chose de capital qui se fait, c'est que seul Dieu peut libérer l'homme. C'est-à-dire, seule la vie, dans sa vérité, peut montrer ce qu'est la vie. Avec l'incarnation du Christ et avec l'histoire du Christ, on peut dire, pour expliquer les choses à notre niveau, que c'est la vie en personne qui descend dans le monde pour nous montrer ce qu'est la vie. C'est Dieu en personne qui vient dans le monde pour montrer ce qu'est la véritable relation vivante. Alors, moi j'aime bien penser que le mystère de la croix, c'est tout le problème de l'humanité au sens où c'est le problème de la religion qui est vu. Si j'appelle religion relation, et si j'appelle religion ce qui est le plus important dans le monde, parce que ce qui est le plus important dans le monde, c'est ce qui motive l'homme. C'est ce qui fait exister l'homme. C'est ce qui le fait vivre. Et je dirais qu'il y a deux manières de faire vivre l'homme. Ou bien l'homme croit vivre de tout son être avec le prince de ce monde, ou bien il est libéré par le véritable Dieu. Je crois que c'est ce qui se passe à l'intérieur de la croix. Nous voyons quoi ? Nous voyons que sur le terrain même de ce qui fait vivre l'humanité, la question de la politique, la question de la religion, la question de ce qui motive l'homme, Dieu vient montrer à l'homme ce qu'est la vie et où elle se trouve. Et il vient surtout terrasser le tyran. Que voyons-nous sur la croix ? Bien, sur la croix, nous voyons deux choses. Nous voyons s'exprimer toute la douleur de l'humanité. Les hommes rêvent d'un roi tout-puissant qui viendrait les libérer pour leur donner pouvoir, richesse, vie éternelle. Mais ce tyran, c'est le prince de ce monde. Et le prince de ce monde est déçu par un homme qui vient dans l'humilité et dans la patience et dans la douceur et qui ne leur donne pas le royaume terrestre auquel ils aspirent. En ce sens, le monde exprime à travers la crucifixion du Christ la douleur qu'il a de vivre dans ses limites et de ne pas avoir un Dieu tout-puissant qui vient le libérer. Et l'extraordinaire de la croix est la suivante. Sur les lieux mêmes de la douleur du monde, Dieu vient subvertir la douleur du monde. Qu'est-ce que fait le Christ ? Il ne fait rien. Il laisse faire la crucifixion. Il laisse faire l'abomination, le fait que l'humanité tue ce qu'elle a de meilleur. Il laisse faire le sacrifice de l'agneau. Et nous voyons quoi ? C'est cela même qui terrasse le tyran. C'est-à-dire que la seule manière de terrasser le tyran qui est impatient, qui ne supporte rien et qui ne veut pas subir, c'est justement d'être patient, c'est de subir et c'est d'attendre. Et donc nous avons là le double aspect de la croix. La croix est le symbole même de la douleur du monde, de la tragédie du monde. Et en même temps, c'est la victoire de Dieu sur Satan, c'est la victoire du Christ face au prince de ce monde. C'est le retournement extraordinaire dans l'histoire où tout d'un coup, le véritable Dieu apparaît. Et la clé de l'histoire nous est montrée. Vous savez, les hommes se demandent souvent que fait Dieu par rapport à la souffrance. Pourquoi se tait-il ? Pourquoi est-il indifférent ? Et nous voyons quoi ? Nous voyons apparaître ici la réponse à cette question. On aurait envie de dire, ô homme, ne désespérez pas. Vous croyez qu'il ne se passe rien à l'intérieur de l'histoire. Vous croyez que Dieu est indifférent. En fait, Dieu est tout sauf indifférent. Il parle à travers la patience, à travers l'humilité, à travers la douceur, à travers la sensibilité, à travers le don du temps au temps, à travers le fait de supporter les choses. Et le temps vient où tout d'un coup, cette action invisible émerge dans les surfaces. Et on voit là apparaître la véritable victoire. Donc, ce qui est important, c'est que, à partir du moment où la croix est apparue, nous voyons apparaître le véritable Dieu. Nous voyons donc apparaître ce qui est demandé dans la véritable religion. Nous voyons apparaître la véritable parole qui motive l'homme. C'est-à-dire, le message qui est lancé à l'humanité est de dire, si vous voulez accéder à cet être divin en vous qui frappe à la porte de vous-même, vivez comme le Christ a vécu, dans la patience, dans l'humilité et dans la douceur, et vous ferez des miracles. Et vous aurez tous les royaumes que vous voulez. Bertrand Majoli, vous avez voulu donner un sous-titre à cette émission, deuxième émission sur la souffrance, qui est celui de la libération. Qui est libéré de quoi ? Eh bien, l'homme est libéré du prince de ce monde, et en même temps, on s'aperçoit que le Fils s'accomplit complètement. Il y a une double histoire qui se passe sur la croix. Le Père s'efface complètement devant le Fils, au même moment où le Fils s'efface complètement devant l'homme pour que l'homme vive. Ce qui est libéré, c'est le risque que Dieu a pris dans la création et le drame qui s'en est suivi, eh bien, est surmonté. C'est-à-dire que, à partir de ce qui se passe dans la croix, on comprend comment agit Dieu dans l'histoire et dans la création. Et comment, en se retirant et en ne faisant apparemment rien, il fait tout. On comprend donc comment la catastrophe et les différentes catastrophes qui existent dans le monde vont toutes être surmontées. Donc, il y a là, si vous voulez, quelque chose qui est résolutif et qui correspond parfaitement à la situation de l'homme moderne. L'homme moderne ne croit pas en Dieu parce que le royaume n'est pas déjà sur terre. Mais il cherche le royaume. Et je crois que ce qui est montré sur la croix, c'est comment le royaume va être donné et comment il est possible d'envisager la condition humaine à partir de cela. Et à partir de cela, nous voyons s'incarner ce qui se passe en Dieu lui-même et qui fait d'ailleurs toute la richesse et la créativité de l'histoire. À chaque fois que l'homme est rentré dans sa limite, en acceptant la patience et l'humilité, il a fait des merveilles. Et nous voyons que, de plus en plus, cette vision des choses se développe et devient une réalité pour l'humanité au plan de toute la culture et au plan de la conscience de l'humanité. Donc nous avons ici une énorme histoire qu'il faut envisager avec une vision globale, eschatologique, disent les pères. Pour comprendre le mystère de la souffrance humaine, il faut comprendre le plan global, immense, que Dieu a vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'homme. Et j'insiste pour dire les choses ensemble, c'est-à-dire que Dieu et l'homme ne sont pas dans la fusion. L'homme a été fait à l'image de Dieu et il est pour être vis-à-vis de lui-même comme Dieu est vis-à-vis de Dieu. Dieu est dans la profondeur de Dieu, l'homme est dans la profondeur de l'homme et Dieu et l'homme communiquent par la profondeur. Mais ne faisons jamais l'erreur de croire que Dieu est tout seul, l'homme est tout seul, qu'il n'y a pas de médiation et que la rencontre serait une fusion. Si c'était le cas, ça voudrait dire que l'homme pourrait comprendre Dieu. À ce moment-là, l'homme serait fou et il mourrait. Donc la communion entre Dieu et l'homme passe par la profondeur, et la profondeur, c'est tout le mystère de l'histoire. Et nous pouvons dire justement que le grand mystère de Dieu, c'est que Dieu parle par l'invisible, et Dieu parle par quelque chose qui ressemble au néant. Donc, n'ayons pas peur de ce qui nous semble être le néant, parce que la force de Dieu qui ne fait rien par rapport à ce néant est encore plus forte que ce néant. Donc, c'est là un mystère incroyable et qui, quand on le comprend, donne le véritable sens de la souffrance. Vous voyez, à un moment, il y a ce paralytique devant la piscine qui demande à Dieu, mais pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été, il n'y a pas eu de miracle qui m'a sauvé? Et le Christ lui répond, pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu rend les choses encore plus belles que ce qu'elles sont. Et les hommes pensent qu'il ne se passe rien à l'intérieur du monde, et c'est là où il se passe les choses les plus belles. Les hommes pensent que nous allons à la catastrophe et que le méchant va gagner, et c'est là où les choses encore plus magnifiques se passent, et où les démons sont terrassés. Donc, il y a là, si vous voulez, une immense espérance qui est donnée, étant donné que, au fond, nous apercevons, pardonnez-moi ce paradoxe, mais qu'il faut pas grand-chose pour pouvoir subvertir l'histoire. Et ce pas grand-chose, c'est quoi? C'est la patience, c'est l'humilité, c'est le courage de vivre. Par exemple, je voudrais en donner un exemple de résurrection. Vous avez des gens qui sont très handicapés, qui sont malades, mais qui ne font quasiment rien. Ils sont très dépendants dans la vie. Mais quelque part, ces gens qui sont dans un état de souffrance extrême me paraissent être le pilier de l'humanité. Pourquoi? Parce que si eux arrivent à vivre dans l'état de difficulté où ils vivent, alors tout le monde peut vivre. Mais si eux n'ont pas le courage de vivre dans la difficulté, alors plus personne n'a la possibilité de vivre. Ceux qui nous montrent la voie, ce sont ceux qui sont capables de vivre dans la difficulté. Si personne n'est capable de vivre dans la difficulté, tout s'écroule. Donc nous avons ici des grands mystères qui sont donnés, et le mystère de la souffrance, ce n'est pas le culte de la douleur dans le christianisme, c'est le mystère de l'invisible à l'intérieur du visible. C'est vraiment là que nous voyons apparaître des forces agissantes. Le Christ, en ne renvoyant pas le mal pour le mal, donne l'impression d'une défaite énorme, or ce n'est pas lui qui est défait, c'est le tyran qui est terrassé. Donc là, nous passons à un stade supérieur de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre aussi que l'homme digne de la création a été jugé digne de souffrir et de mourir. Et c'est l'énorme mystère de la souffrance. On pourrait dire que souffrir et mourir et être confronté au mal, c'est une immense dignité. C'est-à-dire, c'est l'homme est digne de vivre le risque que Dieu a couru en faisant la création. Et quand il traverse cette épreuve, il n'est pas en face de Dieu, il est à côté de Dieu. Bertrand Vergely, pour terminer cette réflexion sur la souffrance, je voudrais qu'on dise deux mots sur deux manières dont on l'a vu, accompagné, ce côté doloriste un peu, et puis en face, l'hédonisme, une position complètement différente, évidemment. Mais, c'est-à-dire que nous avons eu affaire à... Nous avons deux déformations dans notre histoire culturelle. Malheureusement, le sens de la souffrance dans le christianisme a donné naissance à ce qu'on a appelé le dolorisme, qui est le culte de la douleur, et dans lequel on a commis l'erreur suivante, qui est de dire qu'il fallait souffrir pour pouvoir accéder au royaume, c'est-à-dire il fallait passer par la douleur. Alors, je crois qu'il y a ici une mésinterprétation. Il ne s'agit pas de connaître la douleur, il s'agit de connaître la patience et l'humilité. Et je crois que le culte de la douleur est apparu dans le christianisme, en particulier pour des raisons qui sont des raisons finalement non pas chrétiennes mais humanistes. Qui sont les premiers à élaborer un culte de la douleur? Bien, ce sont des gens qui ont envie de s'affranchir de l'Église, un certain nombre de mystiques qui sont très individualistes, et qui utilisent la douleur, en quelque sorte, pour parler d'eux-mêmes. Donc, je crois qu'il y a eu ici, le dolorisme chrétien est au fond une forme de révolte contre l'Église. Hein. On se sert de la douleur pour soi, on se regarde souffrir, c'était ça. Qu'est-ce que c'est que le dolorisme? Derrière la douleur, c'est un jeu avec la douleur. C'est exactement comme le masochisme. Le masochiste utilise la douleur pour se regarder et jouir de son propre pouvoir. Et le deuxième point, c'est que l'erreur de l'hédonisme, c'est de vouloir, à un moment, de se débarrasser de Dieu pour se débarrasser de la douleur. Alors, et moi, mon avis, c'est l'impasse. S'il me paraît juste de critiquer la douleur, le culte du plaisir est encore une manière de se regarder vivre. Et je crois que, justement, qu'est-ce qui libère l'homme? C'est pas de se regarder lui-même vivre dans la solitude, c'est devenir l'icône de Dieu et d'être celui à travers qui on voit venir la vie. Et on n'est plus dans la solitude. Justement, il me semble que l'homme qui est l'homme de patience et l'homme qui est l'homme d'humilité est celui qui laisse apparaître la vie qui vient vers l'homme. Bertrand Verjolier, je vous remercie beaucoup. Je rappelle vos deux ouvrages en rapport direct avec ce thème de la souffrance. D'abord, La souffrance, paru chez Gallimard, puis Le silence de Dieu face au malheur du monde, paru aux presses de la Renaissance. Notre prochaine émission, dimanche 1er avril, nous recevrons le père Placide de Seille pour une réflexion sur la Semaine Sainte. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Michel Mestre. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.